lycée. Je prends tous les jours des grosses baffes et m'en veux pas si je reste dans ma pièce à faire cracher mes grosses baffes. Tu crois que je m'amuse à taper sur des notes et tout s'amuse car je vois toujours les mêmes taper sur les nôtres. Et je viens pas me plaindre, mais juste constater qu'on continue de les craindre et qu'on est plein à stater. Chacun porte un poids lourd sur ses épaules. On lutte pour rester debout et pour le monopole. Quand je pense qu'ils provoquent guerre et tuerie, leur stratégie mûrit, ils achètent même le jury. Ils manipulent les médias, j'en suis formel, mais c'est pas la trace de mes semelles qu'il y a sur les tours jumelles. Ce n'est qu'une histoire d'argent et de pouvoir. Et si on pouvait s'échanger les rôles, juste pour voir, juste pour croire que demain sera meilleur, intensif, brailleur. On rêve tous d'un ailleurs. Tu peux me pousser dans mes derniers retranchements et je peux très bien tousser parce qu'il y a pas des refranchements. Moi ce qui me perturbe, c'est la nature de l'homme. Dans ma tête c'est le bordel et je voudrais bien y mettre de l'ordre. Pas de rancœur mais d'amertume. Je vais pas attendre que cette vie finisse de me tailler un costume. Vous allez peut-être me trouver négatif ou dépressif, mais j'écris ce que je ressens en essayant d'être très précis. Si t'apprécies, bouge ta tête, oublie le reste. Moi j'aime trop cette zik, jamais je retournerai ma veste. Je peux très bien me dire que c'est comme ça et qu'il faut faire avec. Quand les factures s'entassent et qu'on se retrouve souvent à sec, je change pas dans l'attitude, je kick le mic par habitude. Et je m'évade tellement souvent en négligeant l'altitude. Mais quel manque de gratitude, tout le monde titube. Et la plupart d'entre nous s'enferment dans la lassitude. J'ai toujours regardé ce qu'il y avait dans mon assiette. Et je serai là face à mes torts sans détaler comme un athlète. Tu peux me juger sur ma jurée, mais je reste même toujours entier, ça je peux te jurer. D'ailleurs j'ai pas à me justifier, je donne ma vision des faits. Maintenant si tu veux, tu peux justifier ou vérifier. C'est ce qu'on devrait faire chaque jour pendant qu'on s'entretue. Ben eux ils s'avouent. Ma thérapie, je l'écris. Écoute bien entre chaque ligne et dis-moi si t'entends pas des cris, pas aigris. Moi je veux mettre du vert dans ma vie, pas de gris. Faut pas que l'envie prenne le pas sur la folie. Gaz solide, carbure au stick, c'est ma gasoline. Comme une vitamine devant ma feuille, il faut que je vide ma mine. Même si en ce moment elle est pas superbe, c'est difficile de gagner quand on n'a pas su perdre. Pas de bonnes paroles, c'est juste mon ressenti. Je vais pas baisser mon froc ou même passer pour un senti. Si on s'en tire, ça sera pas avec des centimes. Je m'arrête pas, je trace ma route en claquette ou même centime. Ne cherche pas le fin mot de l'histoire. Moi j'ai fini par ne plus croire ceux qui vendaient l'espoir. Alors ne parle pas de patrie, elle est partie. L'image du môme qui joue au football en Patrick, c'est le bad trip. Même l'amour fut ses principes. À réfléchir, je préfère rester seul. Si c'est ainsi, je reste assis. Et je vois à quel point on nous bassine. Depuis la rage s'est installée, je crois qu'elle a pris racine. On est si peu à reconnaître nos actes et on zappe la réalité, la tête plongée dans le Prozac. Je pars en conquête comme un Cosaque. Une MPC, un cahier et mon stylo renfermé dans un gros sac. Je vide le mien sur ce son dans une période sombre. Dans la pénombre, on encaisse les problèmes au surnombre. C'est encore un de ces défis que la vie nous met pour voir si on se défile. Pour voir si on s'en remet. Pour voir si on s'en remet. Pour voir si on s'en remet. Pour voir si on s'en remet. La véritable force, c'est savoir choisir son camp.